Tu te prends pour un narcomètre, un vendeur à la sauvette. J'enfile mon survêt et je m'en vais faire des pépettes. Je te le répète, y'a pas de tapette, mes potes risquent de te la mettre. Dans profond, ils veulent tes fonds, gros. Bien profond, ils veulent tes fonds, capable de douter foncé. Devant ta cachette, ça t'a crossé, avec ta bouche, t'as tout craché. L'endroit où tu coffrais, ce coffre on s'est refait. Y'avait moins qu'on pensait, mais c'est pas grave, on dépense tout. Et on repart sur un coup, coup sur coup. Un bandolet, on s'arrête pas, même quand son pote s'est fait péter. Pendant que les cons dépètent sa porte, dans le 16, il pète une porte. Il a jamais toqué, comme jamais baissé son froc. Beaucoup, beaucoup de mauvais souvenirs avec la propre. Les mondes doivent tous les coqs, et le PJ fait le perroquet. Pendant que la diarra est plus, la halque est bouc à ses frères. Fumer, je vais t'avoir comme le mulet. Un bandolero, se reconnaît du robot, un bandolero. La désirée du bateau, un bandolero. Je te traduis, c'est dire bandit. Un bandolero, se reconnaît du robot, un bandolero. La désirée du bateau, un bandolero. Je te traduis, c'est dire bandit. Bandit, ça balance pas, qui t'a niqué un bout de sa vie. Il en est peut-être pas ravi, mais ça marche comme ça dans le navire. Si tu veux pas que le four chavire, gros fait péré, qu'à te dire une bandero, qu'est-ce la vie dans. Il a moitié à la vie, à la mort, c'est refrain. Il est fort face à sa mère, il est pas fort, c'est bien la seule qui donne des ordres. Tu frimes, il fout le désordre, mais il est connu d'aucune tête. Toujours oui, un tête à tête. Crois-moi que c'est une tête dure comme Ben Diro, c'est une valeur sûre. Il sait où investir, son business il fait fleurir. Sa vie pas trop en haute couture, il pense beaucoup futur. Futuriste et réaliste, les bâtards et les raids de la liste. Plus étonné que les Schmitt le piste, il a jamais eu de piston. Maintenant il écoute des litrons. En vacances, t'es payé à l'air. Chaque jour il dépense ton salaire. Mais l'affaire elle est salée. Sur son chemin, il a tué un bandolero. Ça arrête pas, pourtant la balle le rattrape pas. Un bandolero, se reconnaît du robot. Un bandolero, la désirée du bateau. Un bandolero, je te traduis, c'est dire bandit. Un bandolero, se reconnaît du robot. Un bandolero, la désirée du bateau. Un bandolero, je te traduis, c'est dire bandit. Bandit c'est Bendejo, histoire de Bédo, histoire de Coco. Il adore jouer au con, mais c'est pas un con coqué. Les coqs les cherchent, il est partout, mais depuis longtemps il est parti. J'en dis pas plus, rien qui cogite. Un clin d'œil pour la PJ, je les rends paro, je suis trop pareil. Va tous loco, sans la moitié, c'est mon compte de fait, je compte sur personne. Et perso, je leur pisse dessus. De toute façon, la squad c'est un bandit, l'antémito mytho qui font marrer. Dans la vraie, je suis l'avocat, j'ai tout vu, mais j'avoue pas. Abandonnero, se reconnaît du robot, abandonnero. Lève des îles et du bateau, abandonnero. Je te traduis, c'est dire bandit. Abandonnero.